Today, I'd like to speak about a young girl, a 19-year-old girl known as the Weaver's Daughter. This is a young woman who lived in the time of the Buddha. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'une jeune fille de 19 ans qu'on appelle la fille du Tisserand et qui vivait à l'époque du Bouddha. Elle vivait dans la cité de Alavi, en Inde, et quand elle avait 16 ans, le Bouddha était passé dans cette cité pour donner un enseignement. Et au cours de cet enseignement, il avait enseigné aux gens la mort, le fait que chacun allait mourir. Donc il s'agissait d'une réflexion au sujet de la mort. Donc je vais réciter la phrase en pali, mais je vais en donner la traduction. Donc la traduction de ce texte en pali, c'est la mort est durable. La vie n'est pas durable. Ma mort est inévitable. Ma vie finira par la mort. Ma vie est incertaine, ma mort est certaine. Pour quelles raisons enseigne-t-on l'inévitabilité de la mort? C'est parce que les gens qui n'ont pas conscience du fait qu'ils vont mourir, qui ne réfléchissent pas à ce fait, lorsqu'ils sont confrontés à la mort, ils sont submergés par la peur. C'est un peu comme quelqu'un qui se baladerait dans la nature sans bâton pour éloigner les serpents. Le jour où où il fait face à un serpent, il est désarmé. Il n'a pas de moyen de réagir. À l'inverse, on est attentif, on est conscient du fait que l'on va mourir, on peut voir venir la mort à distance et on peut s'y préparer. Tout comme on peut écarter un serpent lorsqu'on est bien équipé, lorsqu'on a le bâton pour l'écarter. Évidemment, dans nos pays, il n'y a pas beaucoup de serpents, donc on ne sera pas confronté à cette expérience de sitôt, mais en Asie, c'est fréquent de se retrouver face à un serpent. Bruno, please say in French and then you can repeat in French. Okay. Donc je vais dire ces phrases en français et vous pouvez les répéter après moi aussi ou en même temps. Donc, ma vie est durable. Ma vie Ma vie n'est pas durable. Excusez-moi, ma vie n'est n'est pas pas durable. durable. Ma vie n'est pas durable. Ma mort est durable. Ma mort est durable. Ma mort est inévitable. Ma mort est inévitable. Ma vie se terminera par la mort. Ma vie se terminera par la mort. Ma vie est incertaine. Ma vie est incertaine. Ma mort est certaine. Ma mort est certaine. Donc la jeune fille du Tisserand avait été très impressionnée par la puissance que dégageait le Bouddha et par cet enseignement sur la mort. Et depuis qu'elle avait entendu cet enseignement, elle gardait en mémoire cette vérité alors qu'elle vaquait à ses occupations quotidiennes pendant 3 ans. Pendant 3 ans, elle a gardé cet enseignement en mémoire. Un jour, le Bouddha observait le monde entier, scannait le monde entier avec son œil mental, avec l'œil de son esprit, comme il faisait tous les matins à l'aube. Et il vit donc la jeune fille. Il se demanda pourquoi cette jeune fille m'apparaît-elle. Et il réalisa que cette jeune fille avait pratiqué son enseignement pendant 3 ans. Et il comprit aussi que s'il se rendait dans la ville d'Alavi et qu'il posait quelques questions à cette jeune fille, qu'il lui donnait ensuite un enseignement sous la forme d'un vers, qu'elle atteindrait Nibbana, qu'elle atteindrait l'illumination. Mais il vit aussi que cette jeune fille était destinée à mourir ce jour même. Et donc, il comprit l'importance d'aller délivrer cet enseignement. Alors le Bouddha se rendit avec ses moines dans la ville d'Alavi, au monastère d'Alavi. Et là, les gens de la bourgade le virent et l'invitèrent à accepter une offrande de nourriture et à délivrer un sermon. La jeune fille du Tisserand entendit cela et elle désirait fortement aller écouter le Bouddha qu'elle voyait un peu comme son père. Mais en même temps, son père, qui tenait un atelier de tissage, avait besoin de fil pour terminer une robe qu'il était occupé à confectionner. Et il a demandé à ce moment-là à sa fille d'aller chercher du fil dans un entrepôt. La fille, du coup, commença à hésiter. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais voir le Bouddha ou est-ce que je vais chercher le fil comme m'a demandé mon père? Donc elle réfléchit ainsi, je ferais mieux d'aller chercher le fil d'abord, parce que si je ne le fais pas, mon père pourrait me battre. Et après cela, j'irai voir le Bouddha. Donc elle alla chercher le fil, le mit dans son panier, et sur le chemin du retour, elle se retrouvera à l'endroit où le Bouddha venait justement de terminer son repas et se tenait là silencieusement. Donc le Bouddha se tenait là. En général, à la fin d'un repas, l'usage, c'est de donner un petit discours dans lequel on se réjouit de la bonne action qui a été accomplie. Mais là, le Bouddha se tenait silencieux, il ne donnait pas de dhammatok. Et la fille du Tisserand le vit, et le Bouddha vit la fille du Tisserand, il la regarda. Et elle comprit dans son regard qu'elle ferait mieux, en fait, finalement, avant d'aller chez son père rapporter le fil, d'écouter d'abord le sermon, l'enseignement du Bouddha, et puis seulement de retourner chez son père à l'atelier. Donc elle entra parmi la foule, elle rendit hommage respectueusement au Bouddha et sa... Dès qu'elle fut assise, le Bouddha lui demanda, ma fille, d'où viens-tu? Elle répondit, je ne sais pas, vénérable Seigneur. Où vas-tu? Lui demanda le Bouddha. À nouveau, elle répondit, je ne sais pas, vénérable Seigneur. Ne sais-tu donc pas? Si, je sais, répondit-elle. Sais-tu vraiment? Non, je ne sais pas, répondit-elle. Donc, aux quatre questions, la fille donna quatre réponses. Donc, le Bouddha lui demanda où vas-tu? Non, pardon, d'où viens-tu? À quoi la fille répondit je ne sais pas. Ensuite, il lui demanda où vas-tu? À nouveau, elle répondit je ne sais pas. Et puis, le Bouddha lui demanda ne sais-tu pas? À quoi elle répondit si, je sais. Et le Bouddha lui demanda enfin, sais-tu vraiment? À quoi elle répondit, non, je ne sais pas. Et quand l'audience entendit ses réponses, elle fut très critique vis-à-vis de la jeune fille. Les gens se disaient, cette fille, elle dit tout ce qui lui passe par la tête, quoi, tout ce qui lui vient à l'esprit, comme elle veut, sans prêter aucune attention. Elle devrait répondre, eh bien, je me rends à l'entrepôt. Pour le fil et non, je viens de l'entrepôt pour le fil et je me rends à l'atelier de tissage, mais non, au lieu de ça, elle répondait vraiment ce qui lui chantait. Mais le Bouddha demanda à l'audience de se taire et demanda à la fille, lorsque je t'ai demandé d'où tu venais, pourquoi as-tu répondu, je ne sais pas? Et la fille répondit, le Bouddha peut voir que je reviens du magasin de fil, puisque mon panier est plein de fil. Et le Bouddha sait d'où je viens. Il n'a pas besoin que je le lui dise. Et donc, c'est probablement pas cela qu'il voulait savoir quand il m'a posé cette question. C'est pas le sens de sa question. La question, c'était. D'où je viens avant cette existence, avant d'être né dans ce monde. Est-ce que j'étais alors un animal, un homme, une femme, Où étais-je? Tout ça, je ne le sais pas. Et le Bouddha répondit, bien dit. C'est effectivement la réponse à la question que j'ai posée. C'est effectivement cela, la question même que j'ai posée. Ensuite, le Bouddha lui demanda, lorsque je t'ai demandé où tu allais, pourquoi as-tu répondu, je ne sais pas? Et la fille de nouveau répondit, le Bouddha peut voir que j'ai du fil dans mon panier et que je suis en route vers l'atelier de mon père. Et donc, ce qu'il visait dans sa question, c'était autre chose. J'ai compris que ce que le Bouddha voulait savoir, ce qu'il signifiait, c'était où iras-tu après cette vie? Et là aussi, j'ai répondu que je ne le savais pas. À nouveau, le Bouddha dit, bien dit. Bien dit, c'est la question même que j'ai posée. Ensuite, le Bouddha lui demanda, lorsque je t'ai demandé, ne sais-tu vraiment pas? Tu as répondu, je sais. Pourquoi as-tu répondu cela? Et la fille dit, je sais que je vais mourir. Et de nouveau, le Bouddha lui dit, bien dit. Il approuva à nouveau sa réponse. De la même façon qu'il avait approuvé les précédentes. Enfin, le Bouddha lui demanda, lorsque je t'ai demandé, sais-tu vraiment? Tu as répondu, non, je ne sais pas. Pourquoi as-tu répondu ainsi? La fille répondit, même si je sais que je vais mourir, je ne sais pas exactement quand. Je ne sais pas si ce sera le soir, si ce sera le matin. Je ne sais pas le moment de ma mort. Et de nouveau, le Bouddha lui dit, bien dit, bien dit, et approuva ses réponses. And recited this verse, Antabhuto, eyang loko, tanukheta vipassati, sakuno jalamuto wa, apo Donc, Sayali répète le vers en pali. Le vers du Dhammapada en pali. Et la traduction est la suivante. Ce monde est comme aveugle, c'est-à-dire que ce monde n'a pas l'œil de la sagesse. Il n'y a, peu sont ceux qui voient. Et là, il faut comprendre qu'ils voient le caractère impermanent, insatisfaisant et impersonnel de l'expérience, la véritable nature de l'expérience. Il ne voit pas cette véritable nature avec l'œil de Vipassana. Ensuite, le vers poursuit, tout comme seuls quelques oiseaux échappent au filet du chasseur, de la même façon, parmi les êtres qui sont pris dans le filet de la mort, peu sont ceux qui atteignent des plans célestes. Et quand le Bouddha termina de réciter ce vers, la fille du Tisserand atteignit le Nibbana, atteignit l'illumination. Alors, la raison pour laquelle j'ai pensé que cette histoire donnait un bon enseignement pour aujourd'hui, c'est que nous sommes comme cette fille. Nous avons peu de temps à consacrer à la pratique, nous devons travailler. Nous ne disposons pas de longues périodes étendues pour pratiquer. Nous venons, enfin, vous venez à présent ici au centre, vous avez quitté votre vie quotidienne et vous venez au centre pour 2 jours pleins de pratique. Et donc cette fille, c'était un peu la même chose. Elle devait travailler pour son père. Elle avait peu de temps pour la pratique, même quand elle a pratiqué pendant ces 3 années entre le premier et le second, entre la première et la seconde visite du Bouddha dans sa ville. Elle avait l'occasion de penser quotidiennement à l'enseignement du Bouddha, mais elle n'avait aucune occasion d'accumuler suffisamment d'élan dans sa pratique, d'accumuler suffisamment de concentration et de sagesse pour parvenir à vraiment faire une percée dans la compréhension. Et c'est seulement quand elle s'est retrouvée en face du Bouddha qu'elle a pu accumuler suffisamment d'élan dans sa pratique, suffisamment de puissance dans sa pratique pour réaliser Nibbana. Donc, dans votre vie quotidienne, vous pouvez pratiquer dans une certaine mesure la méditation assise quotidiennement. Et cette pratique quotidienne maintient votre niveau de pratique. Mais venir à un centre de méditation, ça permet de développer davantage, d'approfondir la pratique. Parce que votre seule tâche au cours d'une retraite ou d'un week-end comme celui-ci, c'est de pratiquer la méditation assise pendant l'assise, de pratiquer la méditation en marche pendant la marche, et de vous concentrer, de développer votre attention de façon continue. De cette façon, vous parvenez finalement à ce qu'on appelle la continuité de l'attention. Vous pouvez, dans un cadre comme celui-ci, développer la continuité de l'attention. Et donc, la concentration, l'attention s'accumule de plus en plus. Et donc, c'est très utile de venir dans un endroit comme celui-ci. Alors, une autre utilité pour cet enseignement spécifique et cette histoire donc de la jeune Tisserande, c'est la réflexion sur la mort. À présent, vous avez, depuis hier, la dernière fois où je vous ai vu, vous avez eu un grand nombre de séances de méditation, assises notamment, et vous commencez probablement à ressentir des douleurs. Donc, c'est normal. Donc, les douleurs se manifestent souvent quand il y a déjà un certain degré de concentration qui a été développé. Ce n'est qu'à ce moment-là même que les douleurs commencent à se manifester. Et quand on comprend qu'on peut mourir à tout instant, c'est très utile. Parce que avec cette compréhension, on pourra plus facilement faire face à ces douleurs. Donc, cette connaissance, ce souvenir qu'on doit mourir et qu'on peut mourir à tout instant, on ne sait pas l'instant de notre mort, c'est très utile pour faire face aux douleurs. Et on peut alors se dire, voilà, c'est quelque chose contre lequel je peux faire face. Je peux faire face à ces douleurs avec. Quand on réfléchit, quand on a cette réflexion sur la mort en tête. Et ainsi, de cette façon, on développe peu à peu la capacité à rester conscient des sensations désagréables, à faire face aux sensations désagréables. Donc, c'est une capacité, une compétence qui est très utile, une habileté qui est très utile. Quand on fait face à des difficultés, ou même finalement quand on fait face à la mort, on est capable d'observer ces choses au lieu d'être effrayé. Et c'est une capacité qu'on devrait développer avant qu'on soit face à ces difficultés sans échappatoire possible, avant qu'on ait une crise dans notre vie. Donc j'aimerais demander s'il y a des questions par rapport à la pratique ou par rapport à ce que j'ai dit. Comment on Henry pose une would question? like to. Oh, Bruno, tu as entendu la Non, question? je n'entends pas. Non, tu peux traduire. Henri demande si la jeune fille est morte ce jour-là. Donc effectivement, oui, la jeune fille est morte ce jour-là. Donc elle est retournée à l'atelier de son père et son père, qui attendait depuis longtemps, était tombé endormi. Et il tenait le métier à tisser dans ses mains. Donc la fille ne réalisa pas que son père était endormi. Elle lui tendit le panier Quiconque y a le métier à tisser, et donc le panier tomba au sol, ça a fait un bruit. Et d'une certaine façon, donc la navette du métier à tisser a glissé et a percuté la jeune fille dans sa poitrine et a percé la poitrine de la jeune fille, donc qui en est morte. Et donc, évidemment, le père était en détresse totale. Donc, le père se rendit ensuite auprès du Bouddha qui le consola en lui disant, les larmes que tu as versées aujourd'hui sur la mort de ta fille dépassent en quantité les larmes des quatre océans. En fait, les larmes qu'il a versées sur la mort de sa fille, parce que il a déjà vécu cette situation dans des vies antérieures où sa fille avait été tuée, et chaque fois il avait versé des larmes encore et encore à travers toutes ses vies antérieures. Et donc il a eu tellement de vies antérieures où une situation similaire s'est produite que en fait la quantité de larmes versées dépasse la quantité d'eau dans les quatre océans. Et donc le père comprit cet enseignement et il pratiqua la méditation et atteignit aussi la libération. Il devint aussi un arhat. Donc la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on peut déraciner ces différentes couches de malheur. Comment, si l'histoire se répète encore et encore, comme pour le père de la jeune Tisserande, de quelle façon est-ce qu'on peut apprendre de ces erreurs si ça se répète encore et encore? Donc, Sayalé répond que d'abord, il n'est pas nécessaire de se souvenir de ses vies antérieures. Ensuite, elle répond que lorsqu'on pratique la méditation, et en particulier la méditation vipassana, on développe la sagesse ou la connaissance. Et lorsque cette sagesse est suffisamment développée, elle va rester avec nous d'existence en existence. C'est une sagesse qui ne nous abandonnera plus. Et de cette façon, on ne répétera plus les mêmes erreurs encore et encore, grâce à cette sagesse. Donc l'exercice consiste à observer ce qui se passe en nous, dans notre corps et dans notre esprit. Lorsqu'on observe ainsi ce qui se passe dans notre corps et dans notre esprit, on en vient à comprendre les éléments de notre vie. Non plus, on ne les voit plus avec ignorance, les éléments de notre vie, on ne les voit plus avec ignorance comme précédemment, mais on les voit avec l'œil de la sagesse. Notre observation est de plus en plus raffinée et subtile. On comprend que tout ce qui a la nature d'apparaître a aussi la nature de disparaître. Et en raison de cela, en raison de cette nature d'impermanence, tous les éléments dans notre vie sont aussi insatisfaisants, puisqu'ils disparaissent. Et en outre, ces éléments se produisent selon leurs propres règles. On ne les possède pas. C'est pas comme si on avait 5 euros et qu'on pouvait décider, voilà, avec les 5 euros, je veux faire ci et ça. Non, ces éléments, on n'a pas de contrôle sur eux. On ne peut pas leur ordonner ainsi ou ainsi. Par exemple, on ne peut pas ordonner à notre corps de rester en bonne santé. Et on ne peut pas empêcher finalement la mort. Mais ça paraît simple, mais en fait, la plupart des gens ne voient pas la vie comme ça, ne voient pas leur expérience de cette façon, pensent un peu qu'ils ont toujours été la même personne depuis qu'ils étaient petits et qu'ils resteront la même personne jusqu'à leur mort. Mais le jour où leur santé commence à se détériorer, là, ils tombent dans la détresse. Donc, le premier stade de l'illumination, la première expérience de Nibbana, ça, c'est un degré de connaissance et de sagesse qui reste avec nous. C'est une compréhension qui va ensuite, une sagesse qui va ensuite nous accompagner à travers nos vies ultérieures. Et dès le moment où on fait la première fois donc l'expérience de Nibbana, on n'est plus susceptible de retomber dans l'ignorance. On devient conscient du corps et de l'esprit. Maintenant, le fruit final, donc le plus haut degré de réalisation, le stade d'arhat, lui, il nous permet d'échapper complètement au samsara. Et donc, il met un terme définitif à l'histoire. Enfin, c'est fini. À ce moment-là, c'est vraiment fini. Il n'y aura plus de vie. Est-ce que ça répond à votre question? J'espère que ça ne vous dé... Est-ce que vous continuerez à pratiquer malgré tout? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on demande aux méditants de s'asseoir en tailleur? Donc, la question, c'est est-ce que les yogis doivent avoir les jambes croisées? Et Sayali répond non, ce n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut, c'est que les yogis s'asseyent de façon à ce que leur dos soit bien droit et aussi de façon à pouvoir rester immobile pendant 1 heure. Mais évidemment, si la posture est tellement inconfortable que vous devez changer de posture avant que l'heure ne soit terminée, il vaut peut-être mieux adopter une autre posture. L'idée, c'est que quoi qu'il arrive, les jambes doivent être pliées, mais elles ne doivent pas nécessairement être croisées. Les Birmans ont une façon de s'asseoir qui permet de ne pas croiser les jambes tout en les mettant l'une devant l'autre parallèlement. C'est la posture birmane. Certains aussi mettent les pieds vers l'arrière. On peut aussi évidemment s'asseoir sur un petit banc ou même sur une chaise. Qu'on soit sur une chaise ou qu'on soit au niveau du sol, on aura les jambes pliées. Et donc c'est ce qu'il faut. Il faut avoir les jambes pliées. Ce qu'il faut, c'est trouver une posture stable. Donc cette retraite est si courte que vous risquez de faire l'expérience de beaucoup de douleurs sans avoir vraiment l'occasion d'atteindre un stade de la méditation où vous surmontez les douleurs. Mais quoi qu'il arrive, si la douleur devient insupportable, vous pouvez éventuellement bouger. Donc normalement, pendant la méditation assise, on observe le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, c'est l'objet primaire. Et on observe aussi occasionnellement les objets secondaires lorsqu'ils sont prédominants. Mais lorsque la douleur devient prédominante, on n'est pas obligé de continuer à noter l'objet primaire. On peut prendre la douleur comme objet principal d'observation. Une fois que la concentration se renforce, on a un peu l'impression que ces douleurs sont de plus en plus terribles. C'est dû à la concentration qui s'approfondit. Si ces douleurs deviennent vraiment insupportables, on peut changer de posture, mais il ne faut pas perdre l'attention. Donc la continuité de l'attention, c'est quelque chose qui est très important. Et donc quand ça arrive, il faut d'abord noter le désir de changer de posture. On commence par noter le désir de changer de posture. Si la douleur est vraiment forte, probablement que en notant le désir de changer de posture, la douleur ne disparaîtra pas, va persister. Et donc, à un moment, on va être contraint de bouger. À ce moment-là, on bouge très doucement et on observe tous les mouvements que l'on fait pour changer de posture jusqu'à ce qu'on se trouve dans une nouvelle posture. Et là, on reprend l'observation de l'abdomen, du soulèvement et de l'abaissement de l'abdomen. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit pratiquer pendant la vie quotidienne et est-ce que c'est possible de développer la connaissance grâce à la pratique quotidienne. Et donc la réponse est oui. Donc Mahasi Sayadaw conseillait à tout un chacun de pratiquer dans la vie quotidienne. Et il disait, si on pratique 1 heure par jour, par exemple, et qu'on observe les 5 préceptes, il est possible de développer un très haut degré de connaissance. Il faut essayer de développer la continuité de l'attention. L'obstacle principal, finalement, c'est les akusala, donc les choses malsaines, les choses néfastes. C'est ça qui, finalement, interrompt le plus la pratique. Donc, ce qui est très utile dans la vie quotidienne, c'est de pratiquer, par exemple, pendant la marche. C'est une façon commode de rester conscient du corps et aussi de pratiquer l'attention aux postures. Par exemple, quand on est assis, simplement être conscient de sa posture. Ou quand on est couché, être conscient de sa posture. Si on pratique la méditation assise dans sa vie quotidienne, c'est bien éventuellement, si possible, de précéder cette séance de 10 minutes de méditation en marche. Donc voilà, Virginie demande à propos de l'histoire donc de la mort. Lorsque le pratiquant atteint le dernier stade, le stade ultime d'arhat, donc le stade ultime de Nibbana, il n'y a plus de vie. Et donc, Virginie ne comprend pas très bien cette partie-là. Donc, ça y allait répond. Donc, quand on atteint Nibbana, on peut l'atteindre de notre vivant. Donc, et à ce moment-là, la personne qui atteint Nibbana doit encore poursuivre cette existence-ci, cette existence présente, jusqu'à son terme. Mais la différence, c'est qu'il n'y a plus de cause pour une vie future. Donc elle poursuit son existence présente, mais elle n'aura plus de renaissance. Elle n'aura plus de renaissance. Donc dans la cosmologie bouddhiste, il y a 30 plans d'existence, 31, pardon, 31 plans d'existence, mais à partir du moment où il n'y a plus de cause pour une renaissance, donc quand la personne a atteint le stade ultime d'illumination, il n'y a plus, elle ne reprendra plus naissance dans aucun de ses plans. Alors c'est pas comme s'il n'y avait plus rien, c'est plutôt que c'est un peu comme, pour donner une image, un feu qui s'est éteint. Une personne qui atteint l'état d'arhat, c'est un peu comme un feu qui s'est éteint. Il n'y a plus de combustible. Quand on ne met plus de combustible dans un feu, eh bien, il s'éteint et il devient froid. Donc il n'y a plus de combustible qui permet de poursuivre de poursuivre l'existence. Donc ça reste un peu confus apparemment, mais donc ça y allait dit quand le Bouddha reste un peu confus et Virginie demande mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de mémoire qui reste? Et donc ça y allait répond oui, on peut dire ça éventuellement. Donc quand le Bouddha est mort, on a continué à connaître son existence. Donc on peut dire en quelque sorte qu'il y a une mémoire du Bouddha qui a persisté. Et aussi, son enseignement a survécu, donc la postérité possibilité d'atteindre, de comprendre son Dhamma, c'est-à-dire son enseignement, a continué à exister après la mort de Bouddha. De cette façon, on peut dire qu'il y a quelque chose qui reste. Donc la question ici, c'est comment intégrer cet enseignement qui a été donné aujourd'hui dans notre pratique. Et donc Sayali répond, vous pouvez réfléchir à ces quelques vers que j'ai récités, à ces quelques phrases que j'ai récitées. Vous pouvez leur consacrer quelques minutes, par exemple le matin ou le soir. Ça fait partie en fait de ce qu'on appelle les méditations protectrices. Et donc c'est très utile, ces méditations, pour accompagner la méditation plus formelle, et c'est utile en particulier pendant une retraite. Donc la question ici concerne la méditation en marche et la façon dont il faut étiqueter ou noter correctement les phénomènes. Donc parfois, pendant la méditation, il arrive que des pensées arrivent, ou alors qu'on s'arrête en raison de ces pensées. Donc, est-ce qu'il faut noter le mouvement et en même temps noter les pensées ou s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, Sayali répond, lorsqu'on fait des pas pendant la méditation en marche, il faut placer son attention sur les jambes et rester conscient donc des pas. Si on est conscient à un moment qu'une pensée est apparue, peut-être, sans doute que cette pensée a déjà disparu au moment où on en prend conscience. Ensuite, il y a l'arrêt, la marche est arrêtée. Donc la chose principale, c'est d'être conscient. C'est d'être conscient d'une façon générale de ce qui se passe. On n'a pas besoin de connaître une pensée qui a déjà disparu, par exemple. Ce n'est pas nécessaire. On sait qu'il y a eu une pensée qui est apparue et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de la connaître spécifiquement. Donc, il ne faut pas essayer d'être conscient de deux choses en même temps. Donc, j'aimerais ajouter une petite instruction par rapport aux activités quotidiennes. Donc, d'une façon générale, la méditation en marche est très utile pour apprendre à ramener l'attention sur ce qu'on fait, en dehors donc de la méditation assise formelle. Donc pendant la méditation assise, appliquez simplement les instructions, mais pendant la méditation en marche, essayez de pratiquer sérieusement aussi, c'est-à-dire n'essayez pas de raccourcir, ne raccourcissez pas le temps pour la méditation en marche, même si parfois il faut bien qu'on fasse d'autres choses comme aller aux toilettes ou on a des choses à faire, mais essayez de vous assurer que essayez de vous assurer d'avoir des périodes de marche qui soient conséquentes, qui soient suffisantes. Alors, autre chose, essayez d'être attentif à la posture debout. Donc, après la période de méditation assise, vous allez vous lever et vous allez rester quelques instants en position debout. Essayez d'observer l'entièreté de la posture à ce moment-là et de noter mentalement. Alors, à la fin de la journée, vous allez vous asseoir sur le bord du lit avant de vous coucher. Essayez là aussi d'être conscient des postures dans lesquelles vous vous trouvez. Donc, les différentes postures. Et une fois que vous êtes couché, portez votre attention sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen jusqu'à ce que vous tombiez dans le sommeil. Le lendemain matin, quand vous vous réveillez, essayez d'être conscient le plus tôt possible, si possible d'être même conscient de l'instant du réveil. Mais sinon, si vous vous souvenez qu'après un certain temps que vous êtes en retraite, essayez de reprendre l'observation dès le moment où vous vous en souvenez. Vous pouvez, alors que vous êtes encore couché dans votre lit, observer quelques instants le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen afin autant créer à nouveau dans la pratique. Donc, essayez toutes ces choses, ça va vous aider à vous ramener vers l'instant présent, à vous établir dans l'attention et aussi dans les quatre postures principales, quand vous êtes assis, quand vous êtes debout, en marche ou allongé. Donc, aussi, lorsque vous marchez, essayez de ne rien faire d'autre que marcher. N'ayez pas d'activité avec vos mains, par exemple, en même temps que vous marchez. Essayez de bien séparer les deux afin de leur apporter l'attention nécessaire. Donc voilà, je suggère que la prochaine séance de méditation assise, normalement c'est à 17 h, mais qu'on la reporte un peu jusqu'à 17 h 15, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de pratiquer la marche et éventuellement de prendre un jus ou de suivre le reste du programme. Voilà, et puis maintenant on va réciter le Mahasatipatthana Udeso qui est dans le livret. So now it's already past 4:30, and I suggest that we finish now, and then you should probably, if the organizers don't mind, come back to sit at 5:15 instead of 5 o'clock, because it's already 4:30 and you don't have much time to have your juice and walk and or take a shower. So that's my suggestion. So let's finish for now by reciting the Mahasatipatthana Sutta.